Salut Charline. Alors ça bosse là. Oui, on a déjà les sujets. Le GIEC, la primaire OPS, les comédies au cinéma. Voilà, voilà, voilà. Bim. Tu dirais ? Bah non, je suis scotché là. Ça te convient pas ? Vas-y, mais je suis scotché que vous ayez travaillé. Oh, on reçoit Pascal Légitimus. Ouais, les inconnus, la référence, les sketchs, la rigolade. Que des sons des inconnus dans les lancements. Ah ouais, ça va. Ah ouais, les inconnus, c'est la référence, c'est les sketchs, la rigolade. On a jamais avancé aussi vite, moi ça m'inquiète. Bon Guillaume, tu vas où ? Moi je vais au concours l'épine. Tu pourrais peut-être gagner. C'est quoi le concours l'épine ? C'est des gens qui bricolent des trucs qui servent à rien. Tu vois, si tu présentes tes chroniques, t'as une chance de gagner. Ah ouais, bah moi j'invente pas des trucs, d'accord ? Je lis pas des trucs dans la presse et voilà. C'est du boulot ce que je fais. Ouais, c'est du boulot d'aller sur Yahoo Insolite et puis de lire il viole son chihuahua mais il reste coincé dedans. Mais c'est du boulot. Mais ça suffit, je vais quand même pas faire insulter par un mec qui tend son micro, un type qui a inventé le fil à couper l'eau chaude. Mais ça c'est du boulot, figure-toi mon petit pote, de poser des questions à la con. Ah bah les questions à la con, à mon avis, ça doit te venir instinctivement à toi. Instinctif et toi, t'as vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Dépêche-toi d'aller cliquer. Il y a peut-être une vieille qui a mordu son Doberman. Mais silence, enfin. Ouais, tire à l'interview après la vieille. Hein, ouais, les gars, ouais, les gars, dans une équipe, tout le monde est important. Ouais, okay. Même moi, ouais, même toi. Ouais, c'est dire. Alors, bon, le succès, c'est ensemble. Prenons un exemple au hasard, les inconnus. Ah oui, ouais, ça c'est la référence. La rigolade. Là, c'est une équipe. Voilà, ça fait 30 ans, ils travaillent encore ensemble. Alors, faites-vous un bisou. Bon, oui. Tiens, Alex, si tu veux, j'ai trouvé des articles de merde, ça pourrait te servir. Merci, Guillaume. Et toi, si tu veux, j'ai des questions encore plus concrètes, Yann. Je vais te les donner. Ah, voilà, c'est gentil. Ça, c'est une belle équipe, c'est une belle énergie. Moi aussi, je vous aime. Bonjour la France Inter, bonjour la France entière, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité à la disqueuse et voici les trois infos qui vont terminer en rondelle jusqu'à 18h. La France vit à l'ère de l'élection permanente. Quand il n'y en a plus, on en crée. Une primaire par exemple, la gauche l'a testée, l'UMP l'a approuvée. Les mecs de droite, tous les mecs de gauche, ah, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche d'ailleurs. Ah oui, et en ce moment à gauche, la primaire fait débat et ils sont pas très sûrs. Est-ce que les experts internationaux du climat sont crédibles ? Si le GIEC est au climat, ce que l'ONU est à la paix et le FMI à la finance, autant compter sur les chasseurs pour défendre l'environnement. Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore dard de ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. La presse est si féroce avec les comédies au cinéma que les réalisateurs et les auteurs n'osent plus s'y frotter, alors que les critiques ciné des Un Rock, Libé, Télérama, La Sainte Trinité, sont quand même de grands déconnants. Pour en venir au film, vous conseillez aux gens d'aller le voir quand même. Oh là là, rien que pour la directrice de la salle, Madame Vicentin, qui est une personne délicieuse. Quel bonheur, quel accueil. Rien que pour la salle, faut y aller. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée du bricolo de l'info, Yehou Insolite. On a dévoilé son truc. Alex Vizorek. Et voilà, ça m'apprendra à me dénoncer. Bonjour Charline, c'est charmante hier à la télé, j'ai beaucoup regardé. Et aujourd'hui, c'était elle. Aujourd'hui, autour de la table, que du mal de qualité. À 17h20, son charme réside dans son côté lunaire. Les femmes aiment les hommes qu'elles ne comprennent pas toujours. Autant dire que si son succès est inversement proportionnel à la clarté de ses chroniques, c'est le Casanova 2.0. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi va-t-on parler ? Les Alabama Shakes, ça se passe à Athènes, mais c'est pas Athènes à côté du... Enfin, c'est pas le Athènes du Parthénon, c'est l'Athènes de l'Alabama. Oh, mais on a hâte, André. Là, je reviens directement de Chamonix, c'est pour ça. Vous donnez envie de rester jusqu'à 17h20, c'est ce qui compte. Ah non, non, mais c'est grave, c'est grave. C'est de la soul, mais c'est de la soul post-moderne. Ah, oui, c'est encore des gars qui ont pris une flèche et puis qui l'ont... Voilà, voilà. Donc pour aller pisser, c'est 17h20, on le dit aux auditeurs. 17h30, merci, son charme à lui réside dans son côté têtu. S'il est aussi insistant avec les femmes qu'avec ses interlocuteurs au micro, il est évident qu'à un moment, elles craqueront, ne fût-ce que par épuisement. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis intéressé au fameux concours L'Épine qui débutait aujourd'hui. Des inventeurs de toute la France étaient présents, notamment l'inventeur des... Des toilettes aquarium. Voilà, les toilettes aquarium par exemple. Pourquoi pas ? Je crois que c'est un moment d'anthologie. Et à 17h40, son charme à lui réside dans l'expertise. Cet homme est pointu dans tous les sujets, sur la biologie comme sur l'alpinisme ou les deux ensemble, hein, la bioalpinisme, sur la pâtisserie comme sur la pêche à la ligne ou les deux ensemble, hein, la pâtisse à ligne. Et là où il excelle, c'est l'actualité, la musique ou les deux ensemble, l'actualisique. Bravo et merci Alex. Mais de rien, de quoi va-t-on parler dans l'actualisique ? Eh bien, de la journée internationale du jazz qui aura lieu demain. à Paris. Ne me regardez pas comme ça. Je sais bien que ce n'est pas une très très bonne nouvelle. Attendez, c'est Thomas VDB qui va parler de la journée du jazz. Et vous devrez vous taire pendant cette chronique. On parlera un petit peu d'André Manoukian dans cette chronique. Mettez aussi votre grain de sel dans cette émission. Nous sommes sur les réseaux asociaux. Devenez notre ami imaginaire sur Facebook ou sur Twitter. Hashtag annule tout. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Nous l'avons élu. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous intégrez le Petit Théâtre de Bouvard en 82. C'est l'année de la création de l'ancêtre du CSA. Et je suppute que ce soit de votre faute. Vous réalisez votre premier long métrage Anti sur scène en 2000. C'est l'année où Mimi Mathy reçoit le 7 d'or de la meilleure comédienne de fiction. Vous écrivez et vous jouez Plus si affinité avec Mathilde Amay en 2008. C'est l'année où Carla et Nicolas se sont dit oui. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire. Je suis moi. Oui, c'est lui. Et vous avez une heure pour deviner qui c'est. Non, mais je peux le faire avec accent. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et d'abord, qu'est-ce qui me prouve que c'est vous ? Écoutez, je veux le dire avec accent, donc c'est moi-même Pascal Légitimus. Pascal Légitimus, Lone Man Show à Bobino les 29 et 30 mai, ce seront deux représentations exceptionnelles. Tout à fait. Parce que vous jouez ce spectacle depuis 2011. Oui. Donc exceptionnel, ça veut dire que c'est plus régulier, si on s'entend bien sur la sémantique. Parce que alors, c'est toujours exceptionnel quand vous êtes sur scène, Pascal Légitimus. Évidemment, mais deux exceptionnels. Est-ce que ça ne voudrait pas dire un peu que ne plus jouer ce spectacle, ce serait mourir un peu ? Non, ce serait renaître, au contraire. Ah oui, c'est vrai ? Parce que j'ai fait ce spectacle-là comme une psychanalyse. Donc, en fait, comme cette année, c'est le centenaire du génocide arménien, donc je me suis autorisé à ressortir mon spectacle exceptionnellement pour honorer une partie de mes racines. Voilà, tout simplement. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, c'est un spectacle qui est intime parce que vous êtes extrêmement métissé parce que votre maman est arménienne. Tout à fait, mon père antillais. Voilà. Au cas où ça se verrait pas. Mais oui, c'était la question Mireille Dumas. Hein, voilà. Voilà. Il se trouve que. Oui. Est-ce qu'ils ont inventé un plat tous les deux ensemble, genre de dolma avec des acras ? Non, mais ils ont fait des enfants. Voilà. C'est un choix. C'est un choix. Non, c'est vrai que j'ai fait ce spectacle-là pour honorer mes parents. D'ailleurs, j'en ai parlé chez Stéphane Bern dans son émission. Comment ça va bien ? Et à tel point. Vous êtes venu pour faire la pub de la radio d'en face ou... Non, pas du tout. Il se trouve qu'il a eu une petite larme. En c'est direct, pour ceux qui veulent voir le replay. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait, j'en ai parlé très très peu. Notamment, j'ai parlé de la fin du spectacle, qui est très émouvante. Mais j'en ai parlé quoi, allez, 20 secondes. Avec la photo de mariage de vos parents. Tout vous à fait. Vous en cachez pas, donc. Tout à fait. Donc c'était au bout de 15 secondes, les larmes ont coulé. Et je dis voilà, donc tu me donnes la preuve que j'ai bien fait de faire ce spectacle-là parce que c'est un spectacle universel. Est-ce qu'on peut dire, comme vous mixez un peu tout, et parce que vous êtes mixé vous-même, qu'on peut parler de l'Arménie, voire du génocide arménien, etc., à la sauce antillaise ? Bon, en fait, l'humour, c'est de se moquer de soi-même d'abord, hein. C'est la première des alphas. Ensuite, oui, je parle du génocide arménien et également de l'esclavage qu'ont subi donc mes ancêtres, mais d'une manière humoristique. On ne fait pas rire avec du bonheur, donc j'avais un bon terreau pour faire rire, donc le métissage, un thème qui n'a jamais été hésité sur scène. Donc j'avais, à part Yannick Noah, mais je ne l'ai pas vu faire rire depuis très longtemps. Si, son dernier album. Ouais. Ouais. Ah, mais je ne l'ai pas écouté, c'est pour ça. Mais donc voilà, donc j'étais à l'aise dans cette thématique-là, mais il se trouve que c'est surtout un acte d'amour, c'est en référence à mes parents, et puis à tous les Arméniens et tous les Antillais voilà, qui ont subi... Voilà. Le mélange aussi provoque le rire. Justement, on ne s'attend pas à avoir à être moitié Antillais, moitié Arménien, et la collusion des deux est quand même... C'est très très drôle d'ailleurs. Pendant une heure et demie, je le prouve, sans prétention aucune. Il se trouve que, par exemple, quand je danse un zouk un samedi soir avec ma famille antillaise, et le week-end prochain, je danse une danse... Le Kot Chali, qui est une danse arménienne, je suis un peu perdu, vous voyez. Entre le boudin et le tarama, j'avoue que les papilles en prennent un coup. Donc, il fallait que je dénonce ça sur scène et que je fais rire les gens avec des choses que j'ai vécues. Alors, c'est pas plus difficile quand c'est très très personnel, typiquement le mariage de vos parents, de passer à l'étape « je vais être drôle universellement ». Alors, vous avez tout à fait raison. Il se trouve que la première fois que j'ai joué ce spectacle, j'ai pleuré. J'ai pleuré à la partie affective où j'en parle à la toute fin. On rit pendant 1h29 et les 5 dernières minutes sont assez émouvantes parce que j'ai envie que le spectacle soit aussi métissé dans les sentiments. Ben, j'ai pleuré mais à chaudes larmes et les gens, pareil dans la salle, donc il y a une espèce de un standing ovation qui m'a prouvé que j'avais touché les gens au cœur et c'est ce que je voulais. Ça a dû être un moment absolument exceptionnel dans toute votre carrière. Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas été à l'enterrement de ma mère. donc quand j'avais 15 ans, pour des raisons, j'avais pas envie de souffrir, donc j'ai fait le deuil 2 ans plus tard, et puis j'avais enterré ça, j'en avais jamais parlé à mon père, que ça a été très difficile, il s'en doutait évidemment, mais il se trouve que voilà, j'ai écrit ce spectacle-là pour exorciser et pour partager quelque chose de fort, tout en faisant rire, mais il se trouve que voilà, j'ai pleuré, j'avais même plus de Kleenex, donc... mais c'était voilà, c'est un beau souvenir en tout cas. Et c'est un spectacle montagne russe, donc malgré tout, alors ah, j'imagine oui. Dans l'émotion... Bah, évidemment, vous me connaissez. Alone Man Show, allez-y à Bobino parce que ce sont 2 représentations exceptionnelles. Les 29 et 30 mai, il y aura peut-être Manoukian dans la salle d'ailleurs. Mmh. Oh, bah j'espère. Allez, on est avec Pascal Légitimus, un petit bout d'Arménie, un petit bout d'Antilles, un petit bout de Belgique. Qu'est-ce qui reste? Thomas VDB, Guillaume Meurice. France Inter jusqu'à 18h. Rex, get it on, vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Pascal Légitimus, que vous pouvez voir à Bobino les 29 et 30 mai et que vous pouvez écouter tout de suite jusqu'à 18h avec nous. Alex Vizorek autour de cette table. Oui, un spectacle qui a beaucoup plu à Stéphane Bern, qu'on retrouve tous les midis sur RTL, pour aller voir les replays aussi. C'était à la télévision. C'était un moment émouvant. Il y a Cyril Hanouna en ce moment. Oui, sur pour ceux qui veulent écouter, évidemment. Et Laurent Ruquier sur RTL. Voilà, on salue tous les concurrents. Mais autour de la table, André Manoukian, Thomas VDB et Guillaume Meurice qui a été au concours Lépine. Oui. J'ai vu le régisseur monter, le réalisateur même monter les sons. Il était plié de rire. Arrêtez d'asticoter l'invité. Ah, pardon. On peut pas rire. Restez avec nous, Pascal. C'est un hommage. Allez, avant cela, une revue de presse à 2 voix, avec des sous-couches d'actualité dedans. Et puis, est-ce qu'il y a de la couche de Yahoo Insolite, Alex Vizorek? J'ai bossé, j'ai bien entendu les critiques. En tout cas, on a fait ça en tandem, c'est parti. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Manuel Valls annonce de nouvelles structures pour les Français rentrant du djihad. Bah, ça existe déjà, Alex. Hein. Ah bon ? Ça s'appelle un cimetière. Non, mais non, Charles, non, on pouvait pas dire ça. On peut rire de beaucoup de choses, mais pas de ça. Le gouvernement s'attaque sérieusement au problème. Je vous rappelle qu'il a participé cette semaine à la journée de lutte contre le terrorisme. Ils ont beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Il y avait les meilleurs spécialistes. Ah bon ? Et quelles étaient les conclusions, là ? Bah, ils ont notamment que le risque zéro n'existe pas. Ah oui, ça valait la peine de faire une journée de réflexion, ouais, en effet. Ouais. Passons à un anniversaire. Voilà 70 ans que les femmes peuvent voter. voter en France. Il ne reste plus qu'à leur greffer un GPS pour qu'elles trouvent les bureaux de vote. Mais non, mais les blagues misogynes, c'est moi qui les fais. C'est pourquoi vous faites ça. C'est pas misogyne, c'est la réalité. Alors, on n'est jamais, bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même quand même. Passons à Marine Le Pen. Elle a été interviewée par le magazine américain Newsweek. Oui, elle y a été. Elle s'est lâchée. Elle a déclaré la famille Le Pen, si vous voulez, pour se présenter aux Américains, c'est un petit peu comme les Kennedy à la française. Ah ouais. Ouais. S'il fallait vraiment comparer les Le Pen à une famille célèbre, j'aurais pensé à la famille Adams, mais en blond. Oui, et bien surtout, je vais dire par rapport aux Kennedy, au moins eux, ils avaient la décence de mourir jeunes. Autre interview importante, la première de Nabila depuis sa sortie de prison pour femmes de Versailles. Oui, elle sera à lire dans le prochain numéro de Lui. Nabila a été rencontrée par Frédéric Becbédé, qui a eu des confidences de la bimbo, notamment sur son incarcération. Alors, les mots qui vont suivre sont les mots exacts de Nabila pour l'interview. Bon, on me dit Versailles, alors je crois que j'arrive dans un château, mais en fait, il n'y a pas de château et que des grilles. Alors, j'avais pas de fer à lisser, pas de fond de teint, et il y a des douches communes, je me suis pas lavée pendant 3 semaines. C'est fou Versailles, hein. Allô quoi, il n'y a pas de château à Versailles quoi. C'était un piège. D'ailleurs, si elle nous écoute, Nabila, sachez qu'on trouve des Lidl à Fontainebleau et des kebabs à Chambord. Et on termine par une information santé. Oui, dans Top Santé, on apprend qu'une fois injecté dans les rides, le Botox remonterait vers le cerveau. Oui, merde. Ce qui pourrait expliquer les choix musicaux d'Ariel Dombal. Et alors, j'ai oublié de vous dire par rapport à l'interview de Nabila dans Lui, elle prétend qu'elle gagne 100 000 euros par mois. Ouais, bah définitivement, c'est plus rentable de prendre soin de son corps que de son cerveau. Effectivement. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h avec Pascal Légitimus, expert politologue avec nous pendant bien quelques sûr. Minutes. Ah. Eh ben oui, eh oui. Ouais. Premier sujet qu'on va évoquer avec vous, Pascal. Ouais. Attention, une interview punchy sans concession. C'est Jean-Jacques Bourdin. Le PS. Qu'on écoute tous les jours sur RMC, hein, le matin. Pour la... Oui, je vais donner les oreilles. Je peux faire une petite Allez-y. Parenthèse par rapport à ce que tu as bien dit, sûr. Par rapport à Nabila. Oui, on l'embrasse. Elle aussi, elle est métissée. C'est vrai. Mi-française, mi-plastique. Je tenais à le préciser. Alors, premier sujet, le PS s'est dit qu'une division de plus ou de moins, on ne verrait pas la différence. Alors, il y a un nouveau débat, organiser une primaire ou pas, une primaire à l'américaine. Hein. Alors, les statuts rendent la primaire obligatoire, mais François Hollande, redescendre dans l'arène, est-ce que c'est une bonne idée? Ah, yeah. Est-ce qu'il va s'y coller? En tout cas, les communicants, vous trouvez une solution, ils sont déjà à pied d'œuvre. Son parcours est assez classique. Il a été ministre sous Giscard d'Estaing, ensuite il travaille pour François Mitterrand et aujourd'hui il hésite entre l'écologie et le Front National avec lequel il refuse toute alliance. Voilà. Donc ça nous donnerait Jack Borgard pour une politique ferme, mais pas trop. Ouais, ça me paraît pas mal ça, mais ça me rappelle quelque chose, ça ferme, mais pas trop. Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert bridoulou. J'ai repris le concept, mais ça fonctionne. Ouais, hein. Ouais, non, ça c'est grave, hein, ça, parce que si les gens ils s'en rendent compte. Oh, les gens. Ouais. Figurez-vous que mardi 19 mai, D8 rediffuse la télé des inconnus. Ça n'a pas vieilli, hein. Plus j'en écoute. Mais moi je suis étonné, enfin, sincèrement, sans prétention aucune. Comme j'ai l'impression de, quand j'écoute ce genre de choses, bon, ce n'est pas moi, ce sont des personnages. On est toujours d'actualité. C'est grave. Et quand je même. Peux vous le confirmer parce qu'on rediffuse très régulièrement dans cette émission des extraits des inconnus pour lancer les sujets. Merci pour les droits d'auteur. Justement, mais justement parce que c'est d'actualité. C'est comme les guignols, il y avait des trucs très visionnaires chez vous aussi. Ah, c'est incroyable comme c'est d'actu. C'est-à-dire que vous étiez même un petit peu en avance peut-être parce que ce cynisme de l'époque, on disait oh, ils en font trop. Aujourd'hui, ça paraît presque. C'est la réalité. On est dans la normalité, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Alors donc, primaire ou pas? Alors, si oui, ça fera une élection. De plus, parce que déjà, alors dans 5 semaines, il y a le congrès socialiste où les adhérents vont voter pour une motion, puis on se demande s'il n'y aurait pas une primaire. On est un petit peu en état d'élection permanente. Mais c'est à cause de Pasqua, ça. c'est Pasqua qui, en 90, a créé les primaires entre Chirac et Giscard, je crois. Et donc, c'est l'UMP hein, qui a créé ça. Ah bon, alors ça, ah bah ça c'est un scoop. Ça c'est un scoop. Il me semble, renseignez-vous. Pas l'info. Écoutez, on va se renseigner, on va vérifier en tout cas. Alors en tout cas, il y a vous savez, le think tank Terra Nova. Parce qu'ils ont un think tank quand même. Les gens qui pensent. Oui, c'est ça, les gens qui pensent. Donc il y a. Pardon, Charlie, mais je crois que c'est un think tank. C'est un think tank. Voilà, c'est un think tank. Ouais, think tank, mais je m'adresse aux Français. Donc je prends pas l'accent. Mais c'est pas mal. Je vous rappelle que Georges Samprin, c'est Jorge Semprún au départ. Donc je m'adresse à la France think tank. Ne bottez pas en touche. Donc Terra Nova, el think tank de Terra Nova, a réfléchi à la question et rendu ses conclusions. Ils réfléchissent. Oui, alors ils proposent une primaire de coalition. C'est parce qu'ils réfléchissent. Mais c'est pas bête ça. Mais oui, ce serait ouverte aux écologistes. Mais évidemment, l'écologie c'est un peu plus à gauche qu'à droite. Donc oui, je trouve ça très très bien. C'est même chez les Verts plus à gauche que la gauche actuelle, non ? J'ai pas compris, mais c'est, je eux non plus ne comprennent pas. Hein, chez les Verts, les hommes politiques, c'est un panier de crabes et en plus, il faut se les farcir. Donc c'est un vrai problème. Moi, ça me... ouais. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous ne dites pas, quand vous voyez ça, que c'est think tank et toutes ces élections, etc. On réfléchit plus aux élections et à gagner ces étapes. Quand on gagne des matchs, on gagne les matchs les uns après les autres, hein, plutôt que de réfléchir aux valeurs politiques. Aux solutions, hein, prenons... Ben, surtout que ces gens-là pensent pour eux-mêmes. Moi, j'aimerais bien demander à un président de la République pourquoi il veut être président de la République. Que ce soit Sarkozy, Hollande ou quelconque, pourquoi vous voulez être président ? C'est quoi le truc ? C'est quand même une fonction difficile. C'est pour le pognon, c'est pour le pouvoir, c'est quoi ? Pour les sortir avec des actrices. Ouais, ouais. Voilà, donc je crois que les bonnes raisons ne sont pas très valables, ni les mauvaises d'ailleurs. Mais ces gens-là ne pensent pas assez à nous. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en conclusion de tout ça, parce que c'est un broglio incroyable, on n'y comprend rien. Pour ceux qui ne sont pas intéressés. Mais voilà, moi, oui, je trouve que c'est plutôt bien d'une coalition. Ouais. Alors effectivement, j'ai vérifié. C'est Charles Pasqua qui, en 90, voilà, est le premier à envisager l'introduction d'une primaire dans la vie politique française afin de départager Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing pour être le candidat de la droite et du centre-droit en vue de l'élection présidentielle de 95. Écoute, voilà, j'ai pas fait Sciences Po, mais je m'y connais. Il nous manque quelqu'un demain pour l'édito politique. Thomas Legrand. Bien joué, Pascal Légitimus. Alors, l'autre spécialiste, l'autre expert d'un collège cosmique, c'est André Manoukian, tous les jours à cette heure-ci. Écoutez ce beat. Là, ce qu'il y a de dingue, c'est que, en fait, c'est le concours Lépine. Là, tu parles du concours Lépine. Non. Je parle du rythme de batterie. Je parle de la boucle qu'on est en train d'entendre. C'est un groupe qui utilise les codes presque du hip-hop, mais avec des instruments acoustiques. En fait, ça se passe aux États-Unis, parce que les États-Unis sont encore le pays où tout est possible, le meilleur et le pire. Alors pour le pire, il y a Baltimore qui détient le triste record des interventions policières les plus brutales. On l'a vu récemment avec la mort de Freddie Gray. Pour le meilleur, il y a Athens, Alabama. N'y cherchez pas de Pirée ni de Parthénon. Cette Athens-là aurait plutôt des airs d'une ville minière post-apocalyptique. Et si Athènes, dans le Péloponnèse, produisit Socrate, Platon et Périclès, Athens, dans l'Alabama, a produit les Alabama Shakes. Et ça, ça vaut bien une folle messe, mes frères. Une folle messe. On nage en plein Tarantino. Mais alors, de l'essence de Tarantino, du concentré de Quentin. Parce que la musique des Alabama Shakes est bien plus que la BO d'un de ses films, elle en est la morale. Et encore mieux, ces deux mamelles, la vengeance et la rédemption. La vengeance parce qu'il y a 5 ans encore, le groupe distribuait des flyers à l'entrée d'un concert de Sharon Jones et les Dapkins et qu'aujourd'hui, ils remplissent des clubs grands comme des Zéniths. Et ça, non pas dans une ex-république baltique en quête d'exotisme vintage, mais dans leur propre pays, les États-Unis d'Amérique. La rédemption, si l'une des branches de cette musique, la Blaxploitation, fut remise au goût du jour par Quentin lui-même, il fallut une première vague de réhabilitation de la soul qui vient des DJ anglais à la fin des années 80. À travers le terme d'acid jazz, ils réinventèrent une soul chic, parfois en allant chercher des gloires du passé, d'autres fois en montant des groupes à l'identique comme les Brand New Heavies. Vous vous rappelez des Brand New Heavies ? Évidemment, wow. On écoute récemment. Alors, rappelons-nous également... Surtout la fille. Bien sûr, André. Rappelez-vous ce pur film, Les Commitments. C'était glorieux. Bah oui. Hein, à la gloire du revival soul avec ses musiciens baltringues qui explosent... Thomas VDB, qui explose carrément lors de leur première prestation. Grâce à l'engouement anglais et à l'enthousiasme tarantinien, un véritable mouvement de réédition de compil Roots of Soul éclata. Et que je te rejoue les grandes heures des Percy Sledge, des Ben E. King, des Drifters ou des Delphonics. Entre Ibiza et Novosibirsk, aucun DJ digne de ce nom désormais n'oubliait de glisser dans sa setlist son quart d'heure Soul Vintage. Et c'est d'un DJ anglais, Mark Ronson, que nous revint le revival le plus fulgurant, la personne d'Amy Winehouse qui incarna la soul attitude jusqu'à la mort. Mais comment se distinguer ? Comment faire de la soul ? Une musique dont la particularité est d'être terriblement standardisée, au point qu'une poignée de musiciens en enregistra tout le répertoire dans les grandes années, quasiment à la chaîne, ou plutôt à la chaîne. Chain Gang, mes frères. Eh, hey, t'en m'avais dit. Chain Gang. Le son soul a ses codes. La guitare strato. L'espace Chain Gang. Ouais. La guitare strato qui hache un afterbeat très sec en même temps que la caisse claire. La basse qui ronronne et déroule ses arpèges jusqu'à la septième de dominante. L'orgue qui ronfle et rappelle la divine transgression entre la musique de Dieu et la musique du diable. Comment s'inscrire dans la nouveauté tout en respectant ses codes? La voix, mes frères. L'empreinte vocale, plus forte que l'empreinte digitale ou qu'une trace de sperme pour confondre un coupable. Voilà, voilà. La voix et ses vibrations pour faire renaître la soul de ses cendres. Dans le territoire même où elle était confinée à des quotas raciaux datant du code noir, la voix là, désormais adulée par un public blanc de hipster trentenaire. La voix de Brittany Howard, la chanteuse du groupe, entourée des musiciens du groupe Steve Johnson à la batterie, Zach Cockerell à la basse et Heath Fogg à la guitare. La voix et l'ouverture. Ces quatre bouseux, parce qu'ils ont franchement des tronches de bouseux, ont poussé les limites du genre. Enfermés dans un studio à Nashville pendant près d'un an, ils ont ouvert à d'autres instruments, le vibraphone, les violons, tout en gardant une base hargneuse à souhait. Elle est princière par moments, Prince, princière, avec voix suraiguë. Pourquoi je suis obligé de tout vous expliquer à chaque fois, je vous prends pour des idiots, quoi. Mais non. Gang, Prince. Prince. Ça, on savait déjà. Prince. Tout ce que vous avez dit depuis 12 alors, minutes, on le savait déjà. Alors, la pentatonique bluesy, oui. La pentatonique, les 5 notes du blues. Notes, oui. Elle prend parfois des accents de la pop d'Okinawa avec des alternances de grand calme oui, et de soudaines explosions dévastatrices. L'accord du diable, c'est la même chose. Leur musique est bien vivante. Non, ils ne sont pas un groupe rétro de plus. Les Alabama Shakes ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont ramassé la flèche et l'ont lancé plus loin. Nietzsche. Mais pas dans la même direction, ni dans ton cul, Guillaume Maurice. Les Alabama Shakes. Pas en vrai. Shakes, Don't Wanna Fight sur France Inter, le choix d'André Manoukian. Vous êtes avec nous, vous pouvez nous regarder si vous voulez voir André par exemple faire des gestes, une sorte de Claude François, mais il tourne, fait des moulinets de main sur franceinter.fr. Et bien sûr, vous êtes avec nous, hashtag annule tout. Il y a quelqu'un qui nous dit André, pas de bol parce que vous pouvez nous gruger nous, mais pas l'ensemble de la France. Elle n'est pas dupe la France. Alors Louise nous dit, Athènes n'est pas dans le Péloponnèse mais en Attique, patate, hashtag Manoukian. Donc oui, mais il y a un moment, vous connaissez une province et une ville. ville et vous nous dites, hop, je vais te griller. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. C'est de peu, c'est de peu, c'est de peu. Mais oui, quel idiot. Mais oui, oui. Merci les auditeurs de France Inter. C'est pas au Maroc, c'est ça. Pascal Légitimus est avec nous à Lone Man Show, deux exceptionnels à Bobino les 29 et 30 mai. Et en face de vous, il y a Guillaume Meurice qui pratique de la comédie d'investigation, du journalisme comique. Je vous laisse le noter à la fin de son, puisque là on est dans l'élection permanente, on fait les matchs après match. Dans la primaire, on va commencer à vous noter. Bah, dans le journalisme comique, il y a déjà un mot de trop. Alors on verra lequel à la fin du coup. Alors sujet grave aujourd'hui les amis, puisque la France déprime, hein, on le sait, on est même connu pour ça internationalement. Il y a même des Allemands qui prennent des avions pour venir se suicider chez nous, parce que c'est notre truc, hein, on est balèze là-dedans. Et pourtant on ne devrait pas déprimer autant, notre pays regorge de ressources. Il faut regarder l'avenir, il faut oser, il faut innover. Et ça tombe bien car ce matin je me suis rendu à l'ouverture du fameux concours Lépine, du nom de son créateur, Louis, hein, pas Jean-Marie. Hein, Jean-Marie Lépine, c'est ma voisine marocaine qui appelle comme ça le président d'honneur du Front National, hein. Le leader nationaliste patriote franco-suisse, Louis Lépine donc, hein, qui a donné son nom à un concours d'invention. Et vous allez voir qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on innove, on invente. Et qu'est-ce qu'on invente ? Des toilettes aquarium. Des toilettes aquarium. Donc vous avez un aquarium qui fait office de réservoir pour la chasse d'eau. Il n'y a pas de risque que le poisson parte avec ? Il n'y a pas de risque que le poisson parte avec. Il y a, on peut appeler ça comme un filtre qui fait que les excréments peuvent passer et pas les poissons. Et vous pensez qu'il y a un marché vraiment en France pour l'aquarium WC ? Je pense que oui. Bon, vous avez un métier quand même à côté ou vous misez tout sur l'aquarium WC ? Pourquoi ? Vous en voulez pas ? Si, attention, bien sûr que si, hein, j'en veux. Nous, en tant que chroniqueurs, quand on critique la société, on a souvent l'impression de pisser dans un violon. Pisser dans un aquarium, ça nous changera. Alors attention, moi j'aime bien les animaux, hein, donc je ne cautionne pas. Moi je tiens à leur bien-être, aux animaux. Et ça tombe bien, c'est aussi le souci de cette créatrice. Mais alors qu'est-ce qu'elle crée ? Moi je crée des bonnets pour chevaux et poneys. Des bonnets anti-mouches, hein, donc ça explique bien ce que c'est, hein, c'est pour éviter que les mouches ne rentrent dans les oreilles. Et donc chaque bonnet est différent, personnalisable, on peut choisir ses couleurs. Le cheval peut choisir. Le cheval, s'il a envie, il pourra donner son avis. Est-ce que vous faites la même chose pour les humains ? Parce que moi j'aime pas quand il y a les moustiques qui viennent dans mon oreille la nuit, ça pourrait être intéressant ça. Si vous insistez, je veux bien vous en faire, hein, il n'y a pas de souci, on peut essayer. Et bah ouais, moi aussi, hein, je peux créer des choses, je peux inventer des choses. Mais vous êtes un étalon, vous pouvez prendre un bonnet pour cheval. Merci. Vous me connaissez trop bien, Alex. Ça commence à devenir un peu louche, cette histoire. Alors, puisqu'on est sur le registre animalier, j'ai également rencontré un fabricant de produits à base de bave d'escargot bio. Alors, bio pourquoi ? Car lors de la récolte de la bave, l'animal n'est pas stressé. Mais alors, comment savoir ? Parce que c'est pas hyper causant, un escargot. Alors, comment on fait pour savoir que l'escargot n'a pas été stressé ? Tout simplement, après, par la reproduction. C'est-à-dire qu'on les remet, c'est des reproducteurs. Et si, après, ils se reproduisent bien, c'est qu'on considère qu'ils n'ont pas été stressés. Bah si, peut-être qu'ils font ça justement pour se déstresser. Nous, on fait ça, les humains, des fois. Ouais, bah, justement, après, ça, peut-être ça les déstresse. Ouais, je suis d'accord. Non, parce que si quelqu'un venait vous enlever la bave comme ça, sur la langue, avec une petite spatule, ça va vous stresser, non ? Ouais, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je me déplace pas grâce à ma bave en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais ça peut arriver, hein, dans les maisons de retraite par exemple, hein, ou au Sénat, hein, il paraît que là-bas, les mecs ils bavent tellement qu'on peut se déplacer en ski nautique, c'est très impressionnant. Bon, mais puisqu'on parle de viande bientôt froide, parlons à l'inverse de barbecue. Avec un amateur de barbecue, il avait inventé un pince barbecue à roulettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, tout simplement, vous avez une pince et au bout, on a adapté des petites roulettes. D'où le nom, le pince barbecue à roulettes. Tout à fait. Bon, bah alors ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est carré comme ça. Il aurait appelé ça un cerf-volant à moteur. Il y aurait eu tromperie. Mais là, nous sommes bien en présence d'un pince barbecue à roulettes. Poursuivons. Est-ce qu'on se lève un matin et on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr la pince barbecue à roulettes ? Non, c'est que, ouais, c'est une idée tout simple comme ça. C'est à dire, petit peu, on va dire, ah, c'est un peu rigolo. Mais le jour où on cuit ou qu'on travaille à la plancha ou sur une grillade, là on se dit quand même c'est un super produit. C'est très sérieux. Oui. Le pince barbecue à roulettes, c'est sérieux. Oui, c'est très sérieux. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs dans le top 3 des trucs très sérieux. Hein. La guerre civile en Syrie en premier, les naufrages de migrants et le pince barbecue à roulettes. On ne peut pas rire de tout, messieurs, dames. Mais on peut quand même s'amuser au concours Lépine parce qu'il y a également des inventeurs de jeux de société. Par exemple, le Quadriomino, un jeu qui apporte des nouveautés. Alors, lesquelles ? Et la nouveauté, c'est qu'on peut jouer avec certains jeux, avec les chiffres et avec les couleurs. Ah. Que chaque pièce a 8 chiffres Et ils sont disposés de façon que recto verso, le total fait 9. Ouais. C'est un jeu qui égalise en difficulté le jeu d'échecs. Ah bah déjà, la difficulté, c'est de comprendre les règles du jeu, j'ai l'impression. Ah bah les règles du jeu sont simples. Oui, bon alors, admettons que ce soit moi qui sois un petit peu con-con. Hein, c'est pas une hypothèse à exclure, je l'admets. Bon, j'avais quand même besoin de quelques précisions, de savoir comment est-ce qu'on y joue. En ligne, en croix, en couronne, en carré, en rectangle, sur grille et l'échange. Après ça, en spécial concours, c'est un peu différent puisque c'est le plus rapide qui gagne. En carré, en rectangle, sur grille et l'échange. Comme il y a deux jeux de quadrillomino, il y a un jeu de 60 et un jeu de 90. Alors pour le face-à-face, il y a deux jeux de face-à-face, chiffres mêlés, chiffres classés. Les chiffres classés, c'est comme je vous ai dit, le total recto-verso, ça fait 9. Mais les chiffres mêlés, là, il n'y a pas de classement. Ils sont comme ça vient. Mais avec des couleurs aussi. Avec des couleurs ou des chiffres. Alors là, c'est pas toujours facile. Non, alors ça doit pas être toujours très facile. C'est même assez étonnant que ça puisse être facile parfois, d'ailleurs. Bon, conclusion, on n'arrête pas le progrès. Mais franchement, des fois, ça serait quand même pas mal de faire une petite pause. Le mec du jeu, Pascal Légitimus, c'est un personnage des inconnus à 1000 à l'heure. C'est ce que j'allais dire exactement. C'est des fois, la réalité est plus cruelle que la fiction. Mais nous, on puisse ça un peu quoi, comme ça. C'est-à-dire qu'on crée des personnages, mais des fois, quand on fouille, comme vous, cher monsieur, il y a de quoi faire. Quoi. Non, c'est croustillant. Puis l'accent, les intentions. Non, il y a un sketch parfait là. Il n'y a rien à dire. Mais toucher. Vous faisiez presque le doublage. Vous terminiez les phrases presque à un moment. Oui, vous deviniez ce qu'il allait dire. Ce qui me fascine dans tous ces. Voilà, tout est simple. C'est toujours simple. Et surtout, ils sont touchants parce qu'ils sont passionnés et vraiment, ils sont convaincus de leur invention. Ouais. Là, le mec qui a créé le jeu de société, il n'y a qu'une personne au monde qui connaît les règles du jeu. Il joue avec personne. Mais c'est fait pour gagner. Qui gagne tout le temps. Je propose, Guillaume, que vous y retourniez dans la semaine parce qu'on a beaucoup ri. Si vous voulez. Et que vous nous rameniez le jeu pour qu'on puisse faire une partie avec vous. Il va être content. Ramenez-moi l'aquarium là. C'est plus volumineux, mais je peux essayer. Un bon jeu de mots qui va la chiasse perdre sa place. Merci Guillaume Meurice. Alors, ça, Pascal. C'est un bon jeu de mots, Pascal Légitimus. Qu'est-ce qu'un mauvais jeu de mots alors dans ce cas-là? Qui n'est pas en situation. Pascal Légitimus est avec nous pour les situations plus que les jeux de mots à Lone Man Show à Bobino les 29 et 30 mai. Et là tout de suite, on va passer au sujet 2, parce qu'on a remarqué que vous étiez un expert en politique, en environnement. Vous avez appris des trucs. Deuxième sujet, peut-on faire confiance au GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat? Alors oui, répond son vice-président dans l'Express, paru aujourd'hui, mais le climat a un ennemi, l'ultralibéralisme. Alors soutenons le GIEC en chanson. Pollution. Nous, non. Mais à la vie, je dis oui. C'est faux à souhait. Qu'est-ce qui joue l'harmonica? Didier est à la guitare et je crois que c'est Bernard à l'harmonica. C'est dégueulasse de balancer sur les deux autres. Vous aurez reconnu les inconnus. La pollution, la vie, oui, voilà. Eh bien, le vice-président du GIEC s'appelle Jean Jouzel. Arrêtez, c'est impossible. Non, on le laisse. Voilà. C'est bon. Bah voilà, le sujet est terminé. Jean-José rappelle que l'ultralibéralisme n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, parce que ça exige de faire profondément évoluer nos modèles de développement. On s'est dit que ça vous parlerait, parce que vous définissez un peu comme un bio-addict raisonnable, et vous dites que c'est une question d'éducation. Tout à fait. Moi, je suis un éco-citoyen depuis plus de 40 ans, parce que mon père et ma mère m'ont élevé dans le respect de la nature et des êtres humains. Donc ça, c'est basiquement ce qui est édité dans la famille. Ensuite, j'ai remarqué que l'homme est un loup pour l'homme, hein, ça on le sait tous, et que malheureusement, on ne fait pas attention. Quand je vais aux Antilles ou au Portugal ou sur des plages un peu célèbres, et que je vois des plastiques ou des préservatifs ou des canettes de bière, ça me révulse. Je ne comprends pas. Voilà. Donc depuis des années, j'essaye d'être alarmiste et alarmant. D'ailleurs, quand je passe dans la rue et que je vois des gens fumer entre deux boulots sur le trottoir, je dis « Bonjour les cancéreux !» Et on me répond, et souvent on me dit « Ouais, mais faut bien mourir de quelque chose !» Je trouve que c'est la phrase la plus débile que je puisse entendre. Ouais. Voilà, donc je suis un peu agressif avec ces gens-là. Je comprends. Alors, donc le Jean Jouzel, le vice-président du GIEC, explique dans l'Express, il dit « Les citoyens sont conscients de la réalité du phénomène de réchauffement climatique, mais pas vraiment des causes. » Et figurez-vous, comme exemple, il donne évidemment François Hollande, qui sur le tard s'est rendu compte que, oh, dites donc, c'est grave, il faut se réveiller, parce qu'il y a la fameuse COP21, le sommet pour le climat à la fin de l'année. Ça, vous le sentez donc autour de vous, ces gens qui disent, ah ouais, le climat c'est quand même grave, mais qui dans leur vie quotidienne ne posent pas d'actes ou ne sont pas, ne sont pas conscients. Alors je crois qu'il y a le général et le particulier. À Paris, on s'en rend un peu plus compte, dans le sens où Paris est une cuvette, on voit ce qu'on respire. Mais quand on va dans la Creuse ou en Auvergne, voilà, ou même en Aubrac, il n'y a rien. Donc il y a une vraie conscience parisienne, je veux dire, dans les grandes villes, Lyon, Marseille. C'est difficile d'être sensibilisé à ce phénomène global. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que c'est leur planète, c'est leur environnement, c'est leur famille, ce sont leurs enfants, dans le sens où effectivement l'eau, par exemple, c'est l'or de demain. On va nous vendre de l'eau très très cher, parce que l'eau est déjà polluée par les nappes phréatiques. Moi, j'ai été vacciné contre le PCB il y a 3-4 ans, pour être médiatisé, pour plaider contre le PCB. Donc ce sont les métaux lourds qui mettent 2 siècles à disparaître. Moi, j'avais une infime partie, 0,01% de PCB, et il y a une bonne femme qui en avait presque 1%. Pourquoi ? Parce qu'elle pêchait dans la Seine et dans la Marne, et qu'elle mangeait le poisson, le fruit de sa pêche. Voilà, c'était le dossier environnement, et qu'il est calé dans tout, Pascal Légitimus. Alors lui, il est calé en musique et en actualité. Oh là là. Et il est calé surtout en jingle. Voilà, moi, j'ai pas été drôle, mais j'espère que tu le sauras. Non, mais on n'est pas que drôle, c'est intéressant aussi. Absolument, je suis essentiellement dans l'univers de l'actualité aujourd'hui, puisque vous ne le savez pas, Pascal Légitimus, mais de la musique et des actualités, eh bien c'est la page Actualisique de Thomas VDB. Eh bien, demain, à Paris, ce sera la journée internationale du jazz. Mais je veux tout de suite rassurer tout le monde, ça ne durera qu'une seule journée. Aujourd'hui, attends, ce n'est que le début, André. Hein. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des journées internationales pour un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez du mal à retenir la date de la journée internationale du jazz, il y a un moyen mémotechnique très simple pour s'en rappeler. Ça tombe une semaine pile après la journée internationale de la poule au pot. Alors, vous connaissez donc la fête de la musique qui est le 21 juin. Et bien, le 30 avril, c'est la journée internationale du jazz parce qu'on s'est dit que ce serait bien de faire des mini-fêtes de la musique. Je rappelle que le 2 décembre, c'est bien évidemment la journée internationale de la techno hardcore, et le 11 juillet, celle du ragamuffin. Donc demain, eh bien, dans Paris, il y aura 70 événements entièrement dédiés au jazz, un peu partout dans la capitale, au Forum des Halles, au Duc des Lombards, et donc autant d'occasions de voir des musiciens jouer un peu au pif et faire un peu n'importe quoi avec leurs instruments. Bebop à Saint-Michel, free jazz au Jardin du Luxembourg, swing à la mode Piquet-Grenelle. La journée internationale du jazz proposera autant de façons de s'ennuyer très fortement à divers endroits de la capitale. Alors, moi, je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de se dire, attends Thomas, ça va bien que le jazz, tu te moques du jazz, là, mais toi qui adores le rock, tu vas savoir que le rock, ça vient du blues, et le blues, ça vient du jazz. Mais c'est vrai, mais je fais ce que je veux. Et puis, à ce moment-là, c'est vrai que si on étire la même logique, le jazz, le blues et le rock, à la base, ça vient du gospel, ce qui veut dire, après tout, que quelle que soit la musique qu'on écoute, elle arrive à chaque fois tout droit des champs de coton. Alors, bon, je ne veux pas donner l'impression de cracher sur le jazz, ça a ses avantages quand même. C'est-à-dire que dans la vie, moi je m'appelle Thomas, mais dès que j'entends du jazz, j'ai l'impression d'être un monsieur, d'être plus beau, d'être plus charismatique. J'ai aussi des souvenirs de jazz merveilleux, notamment à l'occasion de voyages en ascenseur. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs liés au jazz. Alors demain, il y aura plein de noms du jazz, comme Lisa Cat Bero, Abraham Cohen, Grégory Priva, Giovanni Mirabassi. Mais c'est super pianiste. Voilà, je savais que ça disait quelque chose à notre ami André Manoukian, mais qui pour moi ne sont que des syllabes mis bout à bout. Alors André Manoukian, qui fait donc partie des ambassadeurs du jazz en France et qui a été convié à participer à cette grande java du lounge, hein, puisqu'il a été invité à se produire dans les gares. Eh ouais, dans les gares, j'imagine, tu étais très content qu'il te propose de jouer du piano dans les gares. Mais oui, monsieur. Un petit peu comme le fait tout le monde aujourd'hui. Alors tu joueras donc Gare Montparnasse à 11h15. Vers 13h, tu seras Gare de Lyon. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il faudra que tu prennes la ligne 6 et que tu changes à Nation. Ou à la 4, direction Port de Clignancourt, et que tu changes à Châtelet pour prendre la 14. Et ensuite, Gare d'Austerlitz, vu que tu joueras. Alors pour ceux qui ne connaissent pas André Manoukian, jazzman, eh bien c'est pas dur. Si vous écoutez ses chroniques, c'est un peu pareil, mais avec de la musique à la place. Je crois qu'on peut dire que la façon façon même de s'exprimer d'André Manoukian s'apparente à une sorte de free jazz. Alors, je dis, mais où va-t-il exactement? On ne le sait pas. Il ne le sait pas moi-même. D'ailleurs, André, c'est une idée eh bien, que je te soumets. C'est que demain, au lieu de jouer du jazz dans les gares, tu joues carrément un medley, peut-être de tes meilleures chroniques. Alors moi, je voulais vous parler d'Alabama Shakes, la destination de Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est un album de soul postmoderne de Chain Gang. Voilà, parce que j'imagine évidemment tu garderais tes meilleures blagues pour la fin. Merci à tous. Merci Thomas VDV. Et juste un truc, je suis pas tout seul dans la gare. Je suis avec China Moses, cette voix incroyable. C'est la fille de Didi Bridgewater. Et puis voilà, c'est elle qui m'a proposé cette idée de faire la tournée des gares. Mais c'est super de se passer de voir vraiment. Quel bol, du rire, de l'émotion. Et c'est tout ce qu'on retrouve aussi dans les deux exceptionnels à Bobino de Pascal Légitimus, Lone Man Show, 29 et 30 mai. C'est à Bobino et pas dans les gares, là. Non, tout à fait. Spectacle drôle, j'espère. En tout cas, moi, je m'amuse, je me raconte. Et c'est la première fois et la dernière fois que je me raconterai dans un spectacle. Le prochain spectacle, je parlerai des autres. Oui, vous avez même dit, c'est ce que je voudrais laisser après ma mort. Oui, parce que je voulais pas écrire une biographie, une biographie plutôt. Plutôt que de sortir un bouquin. Voilà, j'ai fait un spectacle. De faire un spectacle. 29 et 30 mai à Bobino. Donc, troisième sujet, si la comédie est en voie de disparition dans le cinéma français, son prédateur, c'est la presse. Et la pression qu'elle exerce sur les auteurs qui n'osent plus s'y risquer de craindre de se faire dézinguer. Une grande page dans Le Monde datée de... Attendez, je vérifie quand même mes sources. Mercredi, datée de... Ah ben c'est aujourd'hui, datée d'aujourd'hui, évidemment. Voilà, donc c'est difficile de faire rire quand en France, on a une certaine idée de la qualité cinématographique dans la presse. C'est un véritable chef-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Oui, mais moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. C'est-à-dire? Bah, c'est juste avant la crise de 29, quoi, oui. Où la récession économique a su apporter une conscience politique aux masses populaires. Et ça, je trouve que ça transparaît pas trop dans le film. C'est ça qui me gêne un peu quelque part. Non, c'est quand même une gageure de ressortir un film muet, qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. C'est ce qui fait toute la force du film. Non, parce qu'il faut quand même bien dire une chose, le cinéma muet, c'est le grand art. Oui, bien sûr. À tel point que je regrette personnellement que certaines de nos comédiennes aujourd'hui ne soient pas muettes. Et je ne citerai pas de nom pour ne pas froisser Sophie Marceau ou Valérie Caprisky. Je vous rappelle que La Télé des Inconnus sera rediffusée sur D8 le 19 mai. Et le seul moment où on voit que ça vieillit, c'est qu'on fait des vannes sur Valérie Caprisky. Sinon, sinon tout le reste, on peut garder. La pauvre. Alors, donc, dans cet article du Monde très intéressant qui s'appelle « Couvrez cette comédie que nous ne saurions voir ». Oui, le reste, le titre déjà est agressif. Non, mais alors, il détaille très très bien. Et par exemple, il y a des propos de Éric Lartigot, qui est l'auteur de La famille Bélier, Prête-moi ta main. Il dit, quand lui, il a sorti L'homme qui voulait vivre sa vie, drame avec Romain Duris et Catherine Deneuve, il dit, le regard des journalistes a changé, on ne me posait plus la même question. J'imagine que c'est quelque chose auquel vous adhérez, vous reconnaissez un peu dans ce qu'il dit. Oui, bien sûr, c'est vrai que... Je pense qu'en France, les intellectuels n'aiment pas le rire, parce que le rire est vulgaire. Mais il y a des gens qui font rire, qui ne font pas exprès. Par exemple, le film de Bernard-Henri Lévy, qui l'a fait il y a une quinzaine d'années. C'est vrai, les gens faisaient la queue pour sortir. Donc, nous, on essaye de faire exprès, de donner du bonheur aux gens, et on se fait attaquer par des gens dont ce n'est pas le métier, qui nous critiquent. Et souvent, ces gens-là voient une comédie le matin à 10h, tout seul, dans une salle. Moi, je vois un film taïwanais le matin à 10h. Vous voyez, mais une comédie, ça se partage. On ne critique pas une comédie, il faut la ressentir. Ce qui est terrible, c'est que la comédie, c'est normalement ce qui rapporte le plus à l'industrie cinématographique française. C'est ce qui fait vivre le cinéma français. Exactement. Et la presse flingue jusqu'au point de... Alors, je ne sais plus c'était quel film, le dernier film de Chabat, Le Parisien avait titré Nul en une. Ouais. Et donc ça sape... On n'oserait pas faire ça pour un film de 10 auteurs. Mais oui, parce que c'est sacralisé. Mais je pense qu'il faudrait que les critiques le fassent après le succès du film. Ce serait plus intéressant. Mais souvent, c'est le seul cas, c'est avec les comédies, que les étoiles se gagnent au fur et à mesure des années. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Le Père Noël est une ordure, je crois, de 2T dans Télérama. Je pense qu'il a été conspué à l'époque. Donc, Nous, c'est pareil, les Inconnus. Quand on compare les critiques de 95 du premier Trois Frères et celles d'aujourd'hui du dernier 2013, c'est les mêmes critiques. J'ai été en vision de presse du dernier Trois Frères. Voilà. Et effectivement, il y avait des journalistes cinéma. Moi, les deux premiers rires, je les ai faits. Puis je me suis senti un peu... C'est mais véridique, on était une trentaine éparpillés parce que c'est des salles qui font 50 places. Et c'est vrai que c'était bizarre. Ça veut dire que si vous riez, après, il y a un journaliste qui vous regarde, qui vous dévisage. Non, pas du tout, mais c'est-à-dire qu'on se sent un peu seul. Bah, c'est vibratoire, tout simplement. Quand quelqu'un est un peu coincé, je veux dire, c'est comme le parfum. On le sent, mais ça se voit pas. À un moment donné, c'est du partage, une comédie. Alors, notre film, c'est pas le meilleur film du siècle, mais c'est une comédie où... on rit. Et les critiques majeures, c'était pas drôle, succession de sketchs, c'est pas des comédiens. Stop, on arrête tout là, oui, il y a un problème. Et le rire est une horlogerie très précise et c'est parfois même plus dur que la tragédie. En tout cas, la conclusion de cet article du Monde. Une revue de presse, Alex Vizorek ? Il fait rire. Oh là là, bah vous lisez la presse que vous l'avalez. Quoi. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not the method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mets ? Again, the no. On commence par une indiscrétion de Marianne. Oui, Jacques Chirac prêt à venir coller des enveloppes pour aider Alain Juppé à battre Nicolas Sarkozy. Il a dit « je viendrai coller des enveloppes s'il le faut ». Alors c'est très gentil de sa part, mais si c'est Chirac qui colle les timbres, il risque parfois d'en avoir trois sur une enveloppe et aucun sur les autres, donc méfions-nous quand même. Passons à l'Europe. Oui, on a appris cette semaine que l'Europe est à nouveau confrontée à une grosse fraude sur la viande de cheval. 26 personnes ont été arrêtées en France, en Belgique et en Allemagne. Oui, ça c'est le problème avec le cheval. Hein. Tu le chasses de ton assiette et il revient au galop. 1000 points jeu de mots pour vous. Voilà, on l'accepte. Passons à une info anglaise. Alors, je vous laisse lire le titre. Oui, il dessine des pénis autour des nid de poules pour qu'ils soient réparés. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que c'est un type, dès qu'il voit un nid de poule sur la rue, dès que c'est endommagé, il vient et il dessine un grand pénis à la peinture blanche pour que les gens de la voirie viennent réparer le trou. Voilà, dites donc, il est nerveux cette. Mais oui, d'ailleurs je crois que le type a voulu prendre des vacances, il est parti au Népal, j'espère qu'il a pris un gros pot de peinture. Et on termine par de la télé, Koh-Lanta, Babette licenciée pour abandon de poste. Mais oui, la première candidate éliminée de Koh-Lanta a eu la mauvaise surprise en rentrant, elle s'est fait virer de son boulot pour abandon de poste, et c'est pas très chouette, et c'est surtout triste quand on survit à une télé-réalité de TF1, perdre son boulot derrière, je trouve qu'il n'y a pas de logique. Eh oui, il y avait un petit peu de l'info, genre il est coincé dans son chihuahua. C'était rigolo. Mais oui, mais ça, je voulais le dire. On l'a vu. Mais oui, on l'a vu. Merci beaucoup, bien. Pascal Légitimus, d'être resté avec nous. Merci, c'est un très bon moment. Ah, mais écoutez, nous aussi. C'était intéressant, c'était drôle avec vous. On a pu voir que les inconnus n'ont pas vieilli. Ça, c'est super gentil. Ah oui, mais ça, je peux vous dire que dans cette émission, on en passe. Et on en repassera encore. On en passe et on en repasse parce que c'est. On va regarder sur D8 la rediffusion de la télé. On va enregistrer intégralement, je peux vous le dire. Et voilà, Pascal Légitimus, Lone Man Show à Bobino, les 29 et 30 mai. C'est exceptionnel. Ce sera peut-être les deux dernières ou ce pas sont les dernières. La dernière, je la ferai en Arménie. Et ça, faut prendre son billet. Oui, ou alors il faut voyager dans l'avion de François Hollande, comme André Manoukian. j'ai des numéros de téléphone. Merci les amis, Thomas VDB, Guillaume Meurice, Alex Vizorek et merci André Manoukian. On se retrouve demain, bien sûr. Le mot de la fin, on le laisse au communiqué de la République. Son parcours est assez classique. Il a été ministre sous Giscard d'Estaing, ensuite il travaille pour François Mitterrand et aujourd'hui il hésite entre l'écologie et le Front National avec lequel il refuse toute alliance.